quatrième et dernier temps de cette série de la Fabrique de l'Histoire sur la Fabrique de l'Info. Ce matin, les fausses nouvelles. Son dernier numéro, le numéro du printemps 2018, le numéro 30, la revue Le Temps des médias s'interroge sur la notion de fausse information. En questionnant autant les critères de véracité des faits dans une encyclopédie en ligne comme Wikipédia que la propagation sur Twitter des rumeurs liées à l'attentat de Nice, ce numéro aborde en effet de multiples aspects de la méfiance ou de la confiance dans l'information, mais aussi parle de la construction délibérée de nouvelles invérifiées ou invérifiables. Bref, ce matin, il sera question de fausses nouvelles, de fake news, de rumeurs, d'informations hasardeuses, de bidonnage, mais aussi, on l'espère, de vérité avec Séverine Yatard qui co-animera cette émission et nos trois invités, Marion Bretéché, elle est maître de conférences en histoire à l'Université d'Orléans, spécialiste de la presse politique au XVIIe, XVIIIe siècle, elle est coordinatrice du numéro avec Evelyne Cohen qui est également avec nous, professeure d'histoire culturelle contemporaine à l'ENSIB à l'Université de Lyon et Anne-Claude Ambroise Rendu qui a participé à ce numéro, elle est professeure d'histoire contemporaine à Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il bu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien de Jacques Dutronc, mais surtout avec les paroles caustiques et humoristiques de Jacques Lanzmann, qu'il faut toujours rappeler comme étant un des meilleurs paroliers de la chanson française. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. Bonjour à vous Marion Bretéché. Bonjour Anne-Claude Ambroise Rendu. Bonjour. Et bonjour à vous Evelyne Cohen. Bonjour. Merci d'être ici pour parler de ce numéro du Temps des médias. Vous l'avez coordonné donc Evelyne Cohen avec Marion Bretéché. Et il comporte de très nombreux articles. Justement, c'est une revue d'histoire, le Temps des médias, publié chez Nouveau Monde Éditions. Et ce numéro 30, donc, s'attache à la question de la fausse information. Et vous, vous posez la question dès l'ouverture, de savoir comment on peut appeler cela, parce qu'aujourd'hui, tout le monde appelle cela les fake news. Mais quel est le nom que l'on peut poser sur cette question qui est vérité ou mensonge dans l'information, Evelyne Cohen? Alors, déjà dire en amont que nous avons pensé à ce numéro, Marion Bretéché et moi-même, avant qu'il y ait ce boom sur les fake news. Bah oui, il faut un certain temps pour composer un gros numéro comme celui-ci. Voilà. Et donc, la question justement du titre donné au numéro et des mots que l'on utilise a été au fond au cœur de notre recherche et de nos interrogations. On doit dire que, y compris dans le comité de rédaction de la revue Le Temps des médias, il y a eu des questionnements justement sur le mot qui convenait pour désigner ce numéro. Et finalement, ce qu'on a bien compris, hein, c'est que il y avait une évolution de la terminologie, qu'on avait beaucoup plus tendance à parler de fausses nouvelles à l'époque moderne. Et puis, on voit bien que le mot fake news a dérivé, finalement, progressivement, et qu'on est passé d'une interprétation d'un sens lié au canular, à la falsification, etc., et au terme de fausses informations. Et les derniers événements autour de la loi contre les fake news, justement, montre bien que c'est difficile de désigner en français ce phénomène. Oui, parce que effectivement, cette loi qui devait être bouclée avant l'été va peut-être être reportée jusqu'à la fin du mois de juillet, justement, parce que les députés eux-mêmes ont du mal à savoir, les représentants du peuple, comment qualifier ces vraies ou ces fausses informations. Vous êtes spécialiste, vous, Marion Bretéchet, de ce 18e siècle dont on a beaucoup parlé, et du 17e aussi, dont on a beaucoup parlé dans la Fabrique de l'Histoire toute cette semaine, avec Robert Darnton avant-hier, et notre invité qui participe d'ailleurs à ce numéro sur les fausses nouvelles autour de la mort de Louis XIV. Effectivement, vous, c'est simple. Vous l'appelez comment, cette question de l'information qui n'est pas vérifiée dans votre période historique, Marion Bretéchet ? Dans la presse des 17 et 18e siècles, il y a plusieurs expressions qui apparaissent, telles quelles fausses nouvelles, faux bruits, fausseté, voire carrément mensonge. Donc en effet, les journalistes ont eux-mêmes conscience que tout ça existe, très clairement, et ils le dénoncent. Il ne faut surtout pas penser qu'à l'époque, ça leur pose problème. Et c'est un petit peu autour de ce constat qu'on s'est interrogé avec Evelyne, puisque l'idée, c'était justement de voir quelle pouvait être l'historicité de cette notion de fausse information, ne pas rester simplement dans l'actualité brûlante, mais essayer de retracer l'histoire de cette notion et des pratiques qui lui étaient liées. Et vous-même, Anne-Claude Rambois-Rendu, vous rendez un article pour ce numéro, on en parlera tout à l'heure, autour des nouvelles à propos de Tchernobyl en 1986, mais vous avez beaucoup travaillé sur le 19e siècle, par exemple. Comment on appelle ça au 19e siècle ? On appelle ça assez couramment les canards. C'est la fausse nouvelle, qui est d'ailleurs vraisemblablement identifiée par un certain nombre de lecteurs comme étant approximative, un peu fantaisiste, plus ou moins fantastique, mais qui par là même est amusante et recevable en tant qu'elle est amusante et divertissante. Parce qu'il y a une dimension, effectivement, dans la fausse nouvelle qui est une dimension de divertissement. Absolument, absolument. Et c'est contre ça que l'écriture de presse va se construire, va se rationaliser autour de la fin du 19e siècle, comme une écriture du réel, une écriture du vrai. Oui, et donc pour justement se séparer de cette longue tradition des almanachs ou des autres manières de raconter l'information. Et des canards. Séverine Yatta. Il y a aussi tout de suite une problématique qui concerne les usages politiques qui peuvent être faits de cette fausse nouvelle, de cette désinformation, de cette difficulté de la circulation de l'information. Marion Bretéchet, par exemple, au 18e, enfin je pense par exemple aux articles par exemple de Gauthier Mingus, qui travaille sur les stratégies de contournement justement de la fausse information au moment des guerres de religion à Lyon. Alors on en a un petit peu parlé hier, mais là on voit aussi que il y a tous les usages politiques qui peuvent être faits de cette désinformation, et vous y revenez aussi Anne-Claude Ambroise-Rendu en concernant Tchernobyl. On approfondira la question à ce moment-là. Marion Bretéchet. Alors en effet, il y a des usages politiques qui peuvent être faits de cette fausse information par les autorités. Exactement comme aujourd'hui, les autorités cherchent aussi à contrôler cette fausse information et à la limiter. C'est ce qu'on voit dans le cas des guerres de religion, voire carrément à utiliser cette fausse information pour faire passer au peuple un certain nombre de données. C'est ce qui se passe pour essayer, par exemple, de mieux contrôler la ville en créant de la peur. On retrouve systématiquement les mêmes données. Alors après, faut voir aussi les types de supports qui font circuler ces fausses informations, puisque dans le cas de la presse, ce qui est assez intéressant, justement, si on crée de la longue durée, on s'aperçoit que, en effet, les journalistes sont aussi confrontés au problème de la fausse information qu'ils sont obligés de relayer, puisque les conditions de la circulation de l'information sont assez différentes de celles d'aujourd'hui. Et donc, il y a tout un tas de systèmes qui sont mis en place, de procédures pour essayer de limiter cette fausse information. Donc on a à la fois un contrôle de la fausse information du point de vue des autorités politiques, mais qui en réalité ne fonctionne pas vraiment, pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, et aussi des systèmes en interne par les journalistes. Alors du type par exemple, Marion Bretéchet. Alors du type, en fait, les problèmes qui sont rencontrés sont essentiellement la question de l'éloignement, de la fiabilité des informateurs et de la durée dans laquelle on va publier. Donc en fait, très rapidement, le principal problème, c'est que les nouvelles sont périmées avant même d'avoir été publié. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la presse d'Ancien Régime incorpore ce problème de la fausse information dans son fonctionnement ordinaire. Si bien que la fausse information devient une information au même titre que la vraie information. Et comment fait-elle justement pour incorporer tout ça ? Alors en fait, on va rappeler sans cesse qu'il y a une incertitude autour de l'information, déjà. Et ensuite, on va publier même les informations fausses. Et on va mettre en place un certain nombre de barrières, en fait, pour permettre au lecteur de lui-même faire l'exégèse de la nouvelle et de vérifier par lui-même la fiabilité. Donc, on va donner la date de réception de la nouvelle, sa provenance, quel est l'informateur. On va essayer de donner le plus d'informations pour que le lecteur soit lui-même à même de juger de la fiabilité de la nouvelle. Dans l'éditorial que vous avez écrit, la présentation de ce numéro, donc avec Marion Bretéché, Evelyne Cohen, vous dites « la fausse information se loge dans l'écart entre la norme et les pratiques ». Qu'est-ce qu'on peut entendre de cela ? Qu'est-ce que ça signifie justement cet écart ? Parce que c'est dans cet écart qu'on peut tout imaginer d'une certaine façon. C'est l'écart qui fait qu'au bout du compte, il y a un espace de communication véritablement. Et dans cet espace de communication, on peut jouer y compris sur les modes de réception des gens. Hein. Donc c'est ça là, c'est au fond la diffusion qui fait que, y compris le rapport qu'il y a au pouvoir, c'est-à-dire est-ce qu'on a confiance dans ce que communique le pouvoir ou pas. Hein, et selon les moments, la confiance est plus ou moins grande. Et donc, effectivement, on émet d'un côté, et puis de l'autre côté, on reçoit. Et c'est dans cette réception, effectivement, que se logent tous les fantasmes, toutes les possibilités d'interprétations diverses. Claude Ambroise-Rendu, cette question, justement, de la réception en histoire des médias est essentielle pour essayer de comprendre comment ce qui est produit et qui nous reste dans les archives, d'une certaine façon, et quel est l'effet que cela a produit sur ceux qui lisaient, qui écoutaient, ou qui voyaient, à partir du moment où il y a eu la télévision, par exemple, qui voyaient les nouvelles. Oui, alors c'est une question qui reste en partie un trou noir, hein, puisque voilà, c'est l'éternel problème que se pose l'historien et l'historien qui travaille sur les médias ou à partir des médias. Une chose apparaît quand même assez clairement, c'est que le discours médiatique ou les récits médiatiques plus exactement, enfin l'un et l'autre, peuvent produire quelque chose qui est fréquemment dénoncé, c'est la peur, comme étant précisément une chose irrationnelle qui peut être instrumentalisée par le pouvoir et ou instrumentalisé par les médias. Je voudrais juste faire remarquer que cette production de peur qui paraît assez indéniable, on n'arrive pas à la quantifier, mais on peut là quand même la saisir, l'appréhender, elle n'est pas forcément irrationnelle. Avoir peur, dans bien des cas, c'est parfaitement rationnel. Oui, d'autant qu'il faudrait faire une sorte d'histoire de l'expression « faut-il avoir peur d'eux ?» que l'on trouve désormais depuis maintenant bien une bonne trentaine d'années, pour évoquer aussi bien le bisphénol A que la peur du nucléaire ou tout un tas d'autres choses comme ça, en couverture de tout un tas de magazines de cette façon. Donc le média comprend aussi que la peur peut être aussi un moteur d'achat, puisque à partir de ce moment-là, en posant cette question « faut-il avoir peur d'eux ?», eh bien on peut donner envie à celui ou celle qui passe devant un kiosque d'aller acheter le journal ou la revue en question. Séverine Attard. Et puis aussi tout de suite dans l'introduction, vous essayez dans cet essai de terminologie de dire voilà qu'est-ce que ça veut dire fausse nouvelle. Est-ce que ça veut dire selon le terme anglais une nouvelle erronée ou est-ce que ça veut dire une nouvelle qui provient d'un support qui se fait passer pour un média mais qui n'est pas un média. Voilà, il y a aussi cette idée là. Marion Bretéché. Alors, en effet, ça a été un de nos gros débats. La question de la terminologie, vraiment, ça a été compliqué, puisqu'on s'aperçoit qu'en réalité, le terme veut un peu tout dire et rien dire, qu'il est transporté d'une époque à une autre, d'un support à un autre. Et donc, on s'aperçoit que c'est un petit peu un mot valise, et c'est là où on voit bien que si la démarche de l'historien, c'est justement de conceptualiser, d'employer un terme précis, dans un cadre justement localisé, etc. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce numéro. Alors, dans ce numéro, on trouve un article signé de votre part, Anne-Claude Ambroise-Rendu. Vous quittez votre zone du 19e siècle pour venir sur le 20e. Ma zone de confort. Votre zone de confort, effectivement, pour venir sur 1986 et ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est une archive de 2011, ça n'est pas une archive de 1986 qu'on écoute, qui justement remet en cause le discours dit officiel sur Tchernobyl. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Nous sommes le 29 avril 1986 et le professeur Pellerin, patron de la sécurité nucléaire, l'affirme, en France, tout va bien. Pourtant, trois jours auparavant, le 26 avril à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a explosé. La plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Les autorités de Moscou mettent 48 heures avant d'annoncer officiellement la nouvelle, parlant alors d'un simple accident. Mais dès les premières photos satellites, les pays européens comprennent qu'il s'agit d'une véritable catastrophe. De fait, avant que les soviétiques ne maîtrisent l'incendie nucléaire, des milliards et des milliards de particules radioactives s'envolent dans le ciel européen et forment un nuage qui rapidement s'étale sur tout le continent. Ce nuage radioactif mettra plusieurs semaines à se dissiper. Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout, sauf en France. Extrait d'un envoyé spécial sur France 2, Tchernobyl, négligence ou mensonge d'État, par Laurence Jourdan et Jean-Charles Chattard, datant du 17 mars 2011. Vous parlez dans votre article sur la catastrophe écologique de Tchernobyl, Anne-Claude Ambroise-Andu, des régimes de fausseté. Alors, qu'est-ce qu'un régime de fausseté, puisqu'on connaît les régimes de vérité, mais qu'est-ce qu'un un régime de fausseté, selon vous, en information? Un régime, ça désigne différentes catégories de fausseté. Une fausseté qui est liée à tout simplement la difficulté d'avoir accès à la vérité de l'information. La fausseté qui est... la fausseté, après, des régimes de fausseté plus ou moins intentionnels autour de la construction d'une information qui décline toutes les modalités du vrai au faux, disons. La fausseté intégrale qui est qui serait une information délibérément mensongère ou la dissimulation d'informations indispensables. Alors quand on vous lit, on est très étonné parce qu'évidemment on a tous en tête cette catastrophe de Tchernobyl. On ne sait pas combien de morts elle a provoqué, parce qu'encore aujourd'hui, vous dites, quand on fait les bilans, quand on regarde les bilans, ça va de quelques dizaines à quelques centaines, à quelques milliers de morts, peut-être même, certains disent 100 000, par contamination. On ne sait pas. Ça, par exemple, c'est un fait a priori que l'on peut utiliser en se disant, dans le régime moderne de l'information, on devrait pouvoir avoir accès à une information fiable dans ce domaine-là. Ça n'est pas le cas. Et non, ça n'est pas le cas parce que c'est ce qui m'a intéressé dans cette affaire. Enfin, c'est un des points qui m'ont intéressé, c'est que c'est une affaire qui repose, qui met en valeur l'espèce d'aporie qu'est l'information en matière dans le domaine scientifique. C'est-à-dire que là, les seuls qui sont censés pouvoir dire quelque chose de vrai, de vérifiable sur les conséquences de cette affaire, ce sont les scientifiques. Et eux, ils sont soumis à un régime de vérité qui est infiniment plus complexe que celui auquel sont soumis les journalistes. Et je prie les journalistes de m'en excuser, mais c'est comme ça. Et donc, effectivement, pour mettre en rapport le nombre de morts avec l'origine, avec l'accident, avec ces milliards de particules radioactives dont on nous parlait à l'instant, c'était extrêmement difficile. D'abord parce que il peut y avoir plein d'autres facteurs qui expliquent une surmortalité, que cette surmortalité elle-même est très difficile à quantifier. C'est un des problèmes de Tchernobyl, c'est la question de la quantification. Et que ça se déroulait dans un endroit où l'ouverture de l'information commençait tout juste. Ça, c'est un autre qui problème, plus est, voilà. Mais qui s'ajoute effectivement, c'est effectivement la difficulté d'accéder à l'information, au lieu, la volonté du pouvoir soviétique quand même de garder le silence le plus longtemps possible. Et puis la durée dans le temps, c'est-à-dire comment évaluer des décennies après des morts, d'autant plus que les nettoyeurs de la centrale, alors là pour ce qui concerne l'Union soviétique, se sont en quelque sorte évaporés, c'est ce que rappelle Claude-Marie Vadrault et que je dis dans l'article. Oui, c'est vrai. Et puis alors, sur cette question des liquidateurs, sur cette question des experts scientifiques, donc vous faites tout un paragraphe sur la promenade du fameux nuage radioactif qui va s'arrêter évidemment aux frontières de la France, et donc on sollicite tout de suite après l'accident, ces fameux scientifiques, enfin qui sont pas non plus totalement pas objectifs. Enfin bon, il y a ce fameux Pellerin professeur Pellerin, qui fait partie du service central de protection quand même contre les rayonnements ionisants. Son collègue Pierre Chanteur et puis Pierre Tanguy, lui c'est la sûreté nucléaire à EDF. Donc déjà on peut se poser la question, ces experts-là, ils ont un avis sur la question, mais qui est orienté. Voilà, ces experts-là sont évidemment intéressés à la défense et à l'illustration de la politique menée par la nucléaire de la France depuis les années 70, c'est-à-dire la politique du presque tout nucléaire. Donc évidemment, alors ils sont probablement animés d'excellentes intentions, ils veulent rassurer les Français, surtout ne pas créer la panique. Et ils sont les référents incontournables en matière de réponse à des questions scientifiques. Et face à cela, juste pour terminer sur cette question, face à cela, on a des journalistes, et vous le notez bien, qui n'ont pas eux d'expertise souvent scientifique. C'est vrai que la science dure, c'est quand même, ce qu'on appelle entre guillemets la science dure, c'est souvent un domaine extrêmement complexe, et souvent les journalistes ne sont pas formés pour contredire, par exemple, un expert sur tel ou tel point. À part une ou deux exceptions, effectivement. Ouais. Ils ne le sont pas, ils ont une formation plutôt littéraire, donc ils se forment, évidemment, ils se forment sur le tas et souvent même très bien, mais dans un premier temps, en tout cas, ils sont bien obligés de recevoir la parole d'expertise qui leur est communiquée. Oui, et de la transmettre. Et sur ces questions-là, ils peuvent écouter les petits modules qui sont faits chaque semaine par Nicolas Martin de France Culture, qui s'appelle Les idées claires, qui justement repartent sur les fausses idées sur les sciences et qui tentent justement d'y répondre. Moi, j'étais très étonné parce que je me souvenais plus des détails de cette affaire. Pourtant, je l'ai vécu de près en étant arrivé à France Culture à ce moment-là. Je me souvenais plus, par exemple, que l'humanité, effectivement, on sait combien le Parti communiste français a été pro-nucléaire à une époque, dans ces années-là, avait mis en cause lui aussi cette idée de contamination pour la France, etc. Et au bout du compte, avait minimisé, lui aussi dans l'humanité, le Parti communiste avait minimisé les effets de cette catastrophe de Tchernobyl dans ces moments-là. Oui, alors effectivement, pour moi aussi, ça a été une sorte de surprise ou de rappel, disons, de constater de quelle manière l'humanité a pu rejoindre, et c'est quand même assez exceptionnel pour le signaler, la ligne éditoriale du Figaro en cette occurrence. Bon, cette rencontre des deux opposés m'a amusée. Surtout à l'époque, effectivement. Surtout à l'époque, et d'autant plus que l'humanité pouvait se réclamer, effectivement, de rapports directs avec l'agence TASS, envoyer des reporters. Rappelons-le, pour nos auditeurs les plus jeunes, l'agence TASS était l'agence officielle, justement, du pouvoir soviétique, donc l'équivalent de l'AFP, mais pour l'Union soviétique. Oui, donc l'humanité était en quelque sorte aux premières loges pour recueillir l'information et ne manquez pas de le rappeler. Et là-dessus intervient aussi le politique directement, et je pense au ministre de l'Agriculture, qui espère qu'un embargo ne va pas être mis en place sur tous les produits frais, évidemment, européens. C'est... Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que la France va choisir ce mode de gouvernance de l'événement, alors que les pays européens autour, non, a priori. Oui, parce que la France est le pays le plus nucléarisé d'Europe et du monde. Et le ministre de l'Agriculture, il a défendu sa boutique, il a été d'une maladresse insigne, mais en croyant bien faire. Vous expliquez qu'un fait comme celui de Tchernobyl, cette explosion de centrale nucléaire en Ukraine, pose la question de la factualité de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, effectivement, pour que la nouvelle soit vraie ou fausse, il faut d'abord établir les faits. Et en fait, vous dites, ce moment-là, c'est un moment où la factualité est insaisissable, Anne Clauzant, bien entendu. Elle est en partie mise en échec par l'éloignement. Par ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la difficulté d'accéder au lieu, la difficulté d'accéder à une information qui est longtemps dissimulée par le pouvoir soviétique. Et puis ensuite, donc la factualité de l'accident, elle est quand même assez rapidement établie. Et ensuite, c'est un autre type de factualité qui est difficile à saisir, c'est la factualité qui concerne les conséquences et cette fameuse promenade du nuage radioactif sur l'Europe et sur la France en particulier. Alors, vous ne voulez pas terminer votre article dans le temps des médias sur une note trop pessimiste et vous dites tout compte fait, ce qui est intéressant dans un cas comme celui de Tchernobyl, c'est que, grâce au Canard enchaîné, grâce à tout un tas d'autres journaux, il y a un débat qui se met en place à l'intérieur de la presse, et c'est cela aussi d'être dans un pays démocratique, et ce débat réouvre la question de l'espace public démocratique, parce que ça montre effectivement qu'on ne peut pas contrôler tout le temps l'information, et qu'il y a la place pour pouvoir la vérifier, la mettre en débat, et au bout du compte, tenter d'établir effectivement des faits qui au départ ne l'étaient pas. Oui, Tchernobyl, c'est un des moments, c'est probablement le moment le plus important où effectivement il a été donné des informations diverses et contradictoires ont été mises dans l'espace public et ont permis à ce que j'appellerais pour aller vite l'opinion publique quand même de faire une idée sur la question, pas forcément directement du nucléaire, mais des risques qu'elle était disposée à prendre pour se procurer de l'électricité. Séverine Yatin. Mais est-ce que d'autres événements, je pense à la Syrie, évidemment, ces problématiques ne se retrouvent pas justement? C'est-à-dire cette question de la factualité qu'on ne peut pas établir parce qu'il y a des enjeux diplomatiques, parce que les journalistes ne peuvent pas vraiment aller sur place, connaître réellement ce qui s'y passe, et que voilà, a posteriori, on pourra mieux comprendre. Il y a des informations qui circulent, qui sont sans doute erronées, fausses, manipulées, et ce sera a posteriori, on comprendra ce qui s'est peut-être vraiment passé. Bien sûr, ça tient aux contraintes même du travail des journalistes, au travail de l'enquête. Pour enquêter, pour vérifier une information, il faut être sur place, il faut avoir accès à cette information. Quant à « on saura mieux plus tard », ça aussi, ça relève peut-être quand même d'une vague illusion. On saura mieux si les archives n'ont pas été détruites, si les gens ne se sont pas évaporés en quelque sorte, et n'ont pas disparu sans qu'on puisse vérifier un certain nombre de choses. Le plus tard, c'est l'horizon de l'historien et c'est l'espérance de l'historien, mais... L'information, ça manque pas, mais il faut choisir pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Ils nous cachent la vérité, je te parle de la France sans maquillage. L'actualité préfère l'incarcération de Nabila. Y'a comme un blême frère, ils manipulent nos faussaires. Publicité mensongère, ils font un clip sans grosses fesses. Lendemain tu ris dans la bande de Gaza. À peine une ligne dans le journal de Chazal. Mais où va le monde, hein? Nulle part si les médias le dirigent. Encore une bombe, ça parle d'islam ou de la guerre d'Algérie. Bourrage de crâne, médiatique, journaliste brave. Et star vie, faire la poucave, annonce à jamais de la vie. Mec, ils jettent de l'huile sur le feu. Dans nos banlieues foutent le zbeu. La tisse, la haine du feu que dans leur putain de reportage. L'espoir, ils t'en laissent peu. Ils connaissent les règles du jeu. Abus où ça fait mal, donc incite les frères au port d'armes. Médias, business et chantage. Gros, c'est comme ça que ça marche. Tu feras la première page que quand tu sortiras le famas. Ils nous cachent la vérité, les JT nous désinforment. Veulent nous faire oublier que l'union fait la force. Publicité mensongère qui pousse à suivre la mode. Des produits dérivés qui conduisent direct à la mort. L'autre crache la vérité, les JT te désinforment. Veulent te faire oublier que l'union fait la force. Publicité mensongère qui pousse à suivre la mode. Des produits dérivés qui conduisent direct à la mort. Voilà, médias, business et chantage, ça c'est un discours assez clair, où il manque peut-être un tout petit peu de l'ironie que l'on notait tout à l'heure chez Claude Lanzmann et Jacques Dutronc, mais en moins qui est un discours très partagé, pourrait-on dire aujourd'hui, et qui fait qu'au bout du compte, effectivement, la croyance en l'information baisse considérablement. Evelyne Cohen, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne croit plus ce qui est dit dans les médias, ou du moins, si on le croit, on en croit beaucoup moins qu'auparavant. Il y a une baisse de la confiance, les médias nous mentent, c'est un thème extrêmement fréquent, c'est-à-dire que on le voit. Alors il y a une histoire de cette baisse de confiance dans les médias. Je crois qu'il y a eu un certain nombre, on est tous d'accord, pour dire que, par exemple, ce qui a été dit sur le massacre de Timisoara... Oui, c'était juste après Tchernobyl, justement. Voilà, avec les images soi-disant à l'appui, etc. Voilà. Je crois que par rapport à ce qu'on a dit précédemment, que une question qui est importante, pour des historiens comme pour des journalistes, c'est la question des sources. Finalement, on retombe sur cette question-là. D'où vient... Qui est la question de base, pourrait-on dire, du journalisme, a priori. Et voilà, pour d'où vient l'information qu'on a, aussi bien sur la Syrie, etc. Moi, j'ai été très étonnée de voir parmi mes étudiants, justement, que quand j'essayais de démonter cette histoire du « les médias nous mentent », à laquelle, je pense, des opinions mal assimilées comme celle de Pierre Bourdieu ont contribué tout de même. C'est pas Pierre Bourdieu lui-même qui contribue, c'est la façon dont on le lit. La façon dont on le lit, exactement. Donc comment est reçu, finalement, justement, l'analyse du champ journalistique, etc. Voilà. Les étudiants trouvaient que c'était bien évident que... Beaucoup d'étudiants trouvaient que c'était bien évident que les médias nous mentaient. Séverine Yatta. Et dans ce numéro, ce qui est intéressant, c'est qu'avec, à travers par exemple l'article de Laurent Bigot, qui nous montre que la presse elle-même a pensé tout de suite justement contrôler ces fausses informations, notamment en employant ces fact-checkers. Donc c'était ces, oui, Marion Bretéché peut-être, c'est donc c'était ces rédacteurs, ce personnel employé dans le au Time, je crois, au New Yorker, oui, également, pour justement contrôler l'information des journalistes. Alors ça allait loin, hein, contrôler le nom, les dates, les lieux, les sources des journalistes. Alors juste un petit mot avant, ouais, peut-être de laisser la parole à Evelyne pour le, ouais, plus contemporain. En effet, déjà, c'est Pierre Bayle déjà invité en fait à vérifier les sources. Donc déjà, Pierre Bayle, donc il faut rappeler ses dates peut-être. Donc à la fin du XVIIe siècle, 1702 hein, en particulier. Et donc en effet, hein, dès l'apparition en fait du journalisme, on invite à vérifier ces documents et on invite le lecteur à la prudence, en réalité. Peut-être ce qu'on oublie un petit peu aujourd'hui, c'est, on l'a déjà dit, le journaliste ne sait pas tout. C'est aussi au lecteur de faire attention à ce qu'il lit, de se renseigner, etc. Et donc, cette pratique d'un espèce de fact-checking avant l'heure apparaît dès le XVIIe siècle, et notamment par le biais des lecteurs eux-mêmes et par les journalistes qui s'attaquent eux-mêmes en disant « mais c'est lui qui a dit en premier ce mensonge et les mensonges circulent, sont repris », ce qui est là encore un problème qui s'impose. Alors je laisse Evelyne sur... Bah, sur les fact-checkers, en tous les cas, c'est même, voilà, à l'intérieur d'un même journal, des gens sont là pour vérifier que les journalistes... oui, on donne des vraies infos, des bonnes informations. La mise en place au Time de cette pratique du fact-checking. Mais c'est pas forcément exactement le même fact-checking que celui d'aujourd'hui. Oui, Anne-Claude Rambois-Andu. Moi, je voulais juste revenir sur la perte de confiance. Peut-être c'est une illusion de 19e qui est la mienne, mais il me semble que le tournant, mais peut-être la moderniste va me corriger, hein, c'est la Première Guerre mondiale. C'est quand même, on se trouve là dans une situation d'urgence où on a plus que jamais besoin d'informations. On n'a pas accès à cette information pour des raisons de censure. Et puis, il y a tout ce qu'on a appelé ensuite le bourrage de crâne, bon, qui fait que au lendemain de la guerre, les lecteurs de la presse quotidienne savent ou sont convaincus, en tout cas, qu'on ne peut pas accorder un plein crédit à la presse. Et je pense que ça va faciliter d'ailleurs le développement d'une presse qui se radicalise, la presse des ligueurs, hein, des ligues d'extrême droite, qui va passer son temps à dénoncer les fausses informations autour de l'affaire Stavisky, etc. Alors, ce qui est très intéressant dans ce numéro du Temps des médias, c'est que vous venez jusqu'au très contemporain. Vous vous intéressez, par exemple, évidemment, à l'information telle qu'elle circule sur les médias numériques. Il y a un article tout à fait passionnant sur les vertus épistémiques de Wikipédia, qui a été écrit par Marie-Noël Doutrex, qui explique effectivement comment se met en place un régime de vérité. Est-ce un régime de vérité, justement, d'ailleurs, de l'information sur Wikipédia, sans remettre en cause, d'ailleurs, les vertus de cette encyclopédie dont on sert tous les jours. On n'est plus au moment où on condamnait Wikipédia pour la fausseté de ses informations. C'est simplement que on ne sait pas très bien, nous explique Marie-Noël Doutrex, la façon, enfin, on voit bien, si, au contraire, la façon dont Wikipédia considère qu'une information est vraie et mérite d'être publiée. Elle est vraie du moment qu'il y a une note avec, en arrière de la main, à une autre publication. C'est pas l'idée que c'est le réel qui prime, c'est la réalité des faits, hein. C'est l'idée que il faut qu'il y ait beaucoup de contributeurs qui disent la même chose, hein. Donc c'est finalement la confrontation des points de vue, la participation, c'est le régime participatif finalement de l'information qui l'emporte. Oui, et c'est sourcé aussi, hein, Wikipédia, c'est-à-dire les références, les renvois, oui, bibliographiques ou journalistiques. Oui, alors est-ce que c'est garanti que la valeur des sources n'est pas mise en question. Oui. Donc c'est ce que montre aussi très bien l'article. C'est-à-dire un article dans un journal de grande diffusion ou un article dans une revue savante à comité de lecture sont mises en note au même niveau. Et sans mise à distance. Donc là aussi, bon, quand on est historien, ça pose pas mal de questions. La mise à distance vis-à-vis de la source et le parti pris qui peut être celui de la source n'est pas interrogé dans les articles, ce que montre très bien Marie-Noël Doutrex. Et dans un autre article qui succède à celui-ci, Camille Alloin et Nicolas Vanderbiste expliquent très bien, alors là c'est très intéressant aussi, c'est la fabrication des rumeurs médiatiques sur le net par l'intermédiaire du réseau Twitter qu'on utilise quotidiennement, enfin en tout cas que j'utilise quotidiennement. Et ce réseau Twitter, majeur et effectivement, dans des moments de crise, et peut-être ça nous permettra de réfléchir à des moments où ces questions de vraies ou fausses informations sont plus sensibles qu'à d'autres moments. Dans des moments de crise, eh bien, on voit comment, là, c'est à l'occasion de l'attentat de Nice, eh bien, des rumeurs commencent à se propager sur le réseau Twitter qui sont invérifiées ou invérifiables, Evelyne Cohen. Alors là, on touche à un des points qui nous a aussi occupés dans le numéro, c'est savoir qu'est-ce que le numérique, finalement, fait à l'information. Hein. Et donc, est-ce qu'il contribue finalement à une enflure des fausses nouvelles, ou bien est-ce que c'est autre chose dont il s'agit? Et je crois que ce qui quand même ressort, finalement, c'est que le numérique n'est pas en soi le propagateur des fausses nouvelles. Qu'il y a des intérêts, effectivement, ce qu'on appelle les apôts à clics. Hein. Donc il y a l'idée que... Les apôts à clic, oui, alors il faut vous dire à nos auditeurs, les apôts, c'est donc pour attirer le chaland d'une certaine façon, on a un site où on a un endroit sur lequel on veut faire venir des chalands et donc on va mettre en place d'une certaine façon des nouvelles qui sont pas vérifiées juste pour que les gens viennent, pour voir en discuter et donc faire monter le nombre de clics sur son site par exemple. Voilà, donc il y a un intérêt commercial, il y a un véritable marché qui peut se constituer et qui s'est constitué véritablement, mais surtout ce qu'on comprend, c'est que le numérique contribue à la rapidité finalement de l'expérience. Expansion des nouvelles et des fausses nouvelles. Hein. Et ce qu'ils montrent bien dans leur article, Alouin et Van der Beest, c'est que la réfutation circule elle aussi très bien, la réfutation de la fausse nouvelle. Oui, on avait un documentaire il y a quelques temps sur France Culture, très bien fait d'ailleurs, sur la façon dont avaient été traités les attentats du 13 novembre sur le site Wikipédia. Donc la nouvelle tombe à une heure donnée, je ne sais plus quelle est l'heure, 9h et quelques minutes. Dès les 2 minutes ou les 3 minutes suivantes, il y a déjà une fiche Wikipédia du 13 novembre qui est écrite sur Wikipédia, puis ensuite toute la nuit les participants à Wikipédia vont abonder le site comme ça tout en toute la nuit qui succède les attentats du 13 novembre pour en faire la page que nous connaissons aujourd'hui en contribution et en discussion entre eux pour savoir si la nouvelle qu'ils mettent est juste ou n'est pas juste. Ça, cette question justement de cette circulation par le réseau Twitter, Marion Bretéchet, ça fait écho justement à ces moments où d'un seul coup, tout le monde veut savoir si l'information est vraie ou pas, et vous avez dû connaître ça, y compris au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors en effet, vous avez parlé de moments de crise tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y a des moments où d'un seul coup, l'information explose, et c'est également le cas sous l'Ancien Régime. Évidemment, les grands moments de crise sous l'Ancien Régime, c'est la guerre. Mais c'est assez impressionnant en termes de quantité, puisque pour ce qui est par exemple des revues politiques sur lesquelles j'ai travaillé, donc qui s'appellent les Mercure, en année de guerre, on peut en avoir 7 simultanées qui sont publiées en même temps et qui parlent globalement de la même chose. Alors comment expliquer cette explosion soudaine? Et on retombe sur la question de la confiance et de la peur surtout. C'est que cela apparaît, alors c'est tout à fait explicite dans les journaux d'Ancien Régime, c'est que très clairement on publie de la presse sous l'Ancien Régime pour essayer de donner de l'information parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Donc en fait, le journaliste, dès le 17e siècle, cherche à pronostiquer, à savoir ce qui va se passer. Donc il s'informe, il s'appuie sur l'histoire en faisant des référents pour essayer de savoir ce qui va pouvoir se passer et à terme potentiellement rassurer. Alors, sauf que déjà, la confiance n'est pas totale. Et étant donné les problèmes de circulation de l'information, il y a déjà en fait une défiance qui peut-être en fait va s'amoindrir au 19e siècle, si on revient sur la chronologie dont tu parlais tout à l'heure. Et peut-être que la confiance naît véritablement au 19e siècle, puisqu'auparavant, on a peur, on craint et on a peu confiance dans l'information, notamment aussi parce qu'il y a la question de la censure. Et donc évidemment, on remet en question plus facilement cette information. Le 19e siècle, comme siècle formidable d'histoire de la presse, Anne-Claude Ambroise-Rendu, qui serait une parenthèse, parce que effectivement, avant, cette confiance n'est pas là. depuis quelque temps, elle n'est plus là non plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un moment où béni, pourrait-on dire, pour la presse ou pour le journalisme, où d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et qui permet justement de mettre en place ce régime de confiance dans l'information? Oui, c'est une il me semble, oui, qu'on peut dire que c'est une parenthèse qui est inaugurée en quelque sorte par la loi de 1881 qui établit la liberté de la presse et qui donc permet le développement d'une presse plurielle, d'une presse très très très diversifiée qui a des tirages tout à fait considérables. Et donc c'est le moment de la mise en place de cette écriture de presse qui se rationalise, qui puise à des sources diverses, qui évoque ses envoyés, ses correspondants, ses reporters, etc. Et puis cette vérité de l'écriture de presse, elle est conforté aussi par l'irruption de la photographie, qui, dans un premier temps, est saisie par les journalistes eux-mêmes et par les lecteurs comme étant la preuve visuelle de ce que l'on raconte. Et pour déconstruire tout ce régime. Le régime de la preuve, justement. Le régime de la preuve, précisément, il faudra la Première Guerre mondiale et puis un certain nombre d'autres événements, et pas des moindres, ensuite. Et rappelons que c'est en même temps que l'affaire Dreyfus et que le grand livre sur l'affaire Dreyfus de Jean Jaurès s'appelle L'épreuve, justement. Oui, c'est la question aussi de l'établissement d'une discipline historique en même temps que d'une rigueur journalistique qui vont ensemble. Absolument. Et en miroir, la possibilité pour une population alphabétisée, qui est passée par l'école de Ferry, d'avoir accès à ces preuves, à cet imprimé qui fonctionne comme une garantie de vérité. Mais justement, à ce moment-là, il y a une sorte de déontologie journalistique. On dirait que ça n'empêche pas que les fausses nouvelles et le bourrage de crâne durant la guerre des 14-18. Et c'est peut-être un peu la contradiction aujourd'hui où en fait... les médias nous mentent et en même temps tout le monde s'improvise médias ou journalistes puisque tout le monde peut y aller de sa plume pour informer sur tel ou tel événement sur le net par exemple. Marion Boitéché. Il me semble aussi quand on dit les médias nous mentent, on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que le journalisme c'est des faits, on est d'accord, sauf que parfois c'est difficile d'avoir accès à ces faits, mais que le journalisme c'est aussi de l'interprétation. Bien sûr. Et si on oublie cette question de l'interprétation, on en vient à penser que les gens mentent. Les gens peuvent aussi interpréter, simplement dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient et comment ils envisagent en fait les choses. Pour le coup, c'est aussi ça qui permet qu'il y ait de la concurrence. S'il n'y a plus d'interprétation, tout le monde dit la même chose. Enfin, si on se contente de dire les faits, à ce moment-là, un seul média suffit et c'est terminé. Ça peut s'appeler la vérité ou la Pravda. Alors, mais ce n'est pas le propos du journalisme. Le journaliste est aussi là pour interpréter et pour donner en effet un point de vue. Donc, mais il n'empêche que tout, enfin. Beaucoup s'improvisent aussi, journaliste, cette information, elle circule, comme vous le disiez, la contre-information aussi circule. Question des images récupérées par ceux qui sont présents à un événement, justement, pose quand même la question justement aussi du rôle du journaliste plus précisément. Pour tous les journalistes, cette question se pose et je crois que, c'est ce qu'a montré en particulier l'entretien que nous avons eu avec Hervé Bozzini. C'est que finalement, il y a en ce moment un grand moment de réflexion, je crois que vous êtes mieux placé que moi pour le dire, donc un grand moment de réflexion chez les journalistes sur exactement circonscrire leur place. Hervé Bozzini nous disait d'une certaine manière, tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. Donc il faut vraiment comprendre quelle est exactement la place, et c'est ce que disait Marion Bretéché, sur l'interprétation, l'analyse, la confrontation des sources, etc. Oui, alors sur cette question justement des fausses informations ou des fausses nouvelles, on voit bien combien, très récemment, effectivement, le pouvoir en est emparé, pouvoir en France, mais pouvoir aussi aux États-Unis, pouvoir médiatique, se pose des questions vis-à-vis du président Trump. On a inventé, ça n'est pas présent dans votre livre en tant que tel, dans votre revue en tant que tel, cette question de l'autre information, l'alt-info, c'est-à-dire une information alternative, les faits alternatifs. C'est aussi, on voit bien qu'on court toujours après des innovations, pourrait-on dire, dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a des inventions conceptuelles qui font qu'on est toujours derrière pour pouvoir se dire, est-ce que l'on peut établir les faits si, à partir du moment où le pouvoir peut mentir, par exemple, sur mais mentir éhontément sur des chiffres, sur des données qui sont pourtant des données publiques que tout le monde peut vérifier. À quoi sert le fact-checking si le pouvoir lui-même ne refuse que ces faits soient établis? Qui veut réagir sur cette question-là? Evelyne Cohen. D'une part, la question les faits et les données, ce qui ressortait de l'entretien avec Hervé Brusigny, c'est qu'il était d'une certaine manière aussi assez critique sur un mode quantitatif de l'information. Hein. Donc, il y a effectivement une demande de données dites objectives, etc. Mais ce qu'on voit aussi en ce moment, par exemple, dernièrement avec Trump, quand il y a eu donc la question des camps d'enfants et qu'il a envoyé sa femme, il a ensuite brandi justement l'idée que finalement, ce que sa femme avait vu, c'était pas si terrible que ça, et donc c'était une fake news. Donc c'est lui qui désigne la fake news. Je crois aussi de savoir qui utilise le mot, qui brandit l'idée que c'est une fausse information. Anne-Claude Ambrosendu, c'est très différent de ce que vous notiez dans votre vos travaux très très nombreux sur le 19e siècle, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'envisager par le pouvoir la vérité des faits ou au contraire la fausseté des faits que l'on énonce. Est-ce que c'est très différent? Le mensonge d'État existe dans d'autres périodes que au 20e siècle ou au début du 21e, Anne-Claude Ambrosendu. Oui, on pourrait évoquer le scandale de Panama ou des choses comme ça. Non, c'est pas forcément très différent. Avec, je pense, cette idée quand même qu'on est dans ces dernières décennies du 19e siècle, à un moment où on peut croire qu'effectivement, plus on va savoir de choses et plus on va savoir tout court, à l'inverse de ce que dit Lanzmann, hein, plus on apprend, plus on ne sait rien. Et c'est, je crois que c'est, voilà, nous sommes aujourd'hui plutôt installés dans cette espèce de désillusion. Eh ben non, plus on apprend, plus on Eh ben oui, plus on apprend, plus on ne sait rien, plutôt. Ouais. Et ça, vous voulez dire que d'une certaine façon, il y aurait une perte de croyance dans le régime de vérité dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui dans notre période, alors qu'on est, comme le disait Cyril Niattard, extrêmement informé, qu'on a beaucoup plus de médias à notre disposition. Mais oui, puisque précisément on est plus informé, on est en quelque sorte submergé par un afflux d'informations, et que du coup la question ne se pose plus ou ne devrait plus se poser, mais je pense que c'est un peu un idéal de la raison, en termes de croyance, mais en termes de savoir. Or, tous les jours, on vérifie que, précisément, encore une fois, plus on apprend, plus on ne sait rien. Marion Bretéché, sur cette évolution récente qui est présente et qui, sans justifier votre numéro, en tout cas, participe à construire un vrai savoir historien sur ces faits-là. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces derniers développements qui font que, d'une certaine façon, un numéro préparé il y a déjà un certain temps, trouve une nouvelle actualité parce que vous avez des porte-parole de votre cause ou au contraire de ceux qui vont dire le contraire de ce que vous voulez dire en établissant les faits, qui tous les jours dans les tribunes publiques prennent la parole et disent voilà, ça c'est faux, ça c'est vrai, etc. Ce qui nous a marqué tout au long du travail autour de ce numéro, c'est en fait l'omniprésence des mêmes questionnements. Et notamment quand on allait interviewer Hervé Brusigny, on était assez sidérés de voir qu'en réalité un journaliste se posait les mêmes questions que nous, notamment avec une perspective historique, ce qui nous a de suite beaucoup intéressés. Et on s'aperçoit, on parle de mensonges d'État, déjà au XVIe siècle, on cache les défaites pendant les guerres d'Italie parce qu'on ne veut pas inquiéter, etc. Donc en fait, on retrouve les mêmes mécanismes. Peut-être que juste le doute, on a de plus en plus peur du doute, peut-être, et c'est là où... Et juste parce que c'est un numéro, et la revue elle-même le dit, le temps des médias, qui rassemble des historiens, et puis aussi des historiens des médias, de la presse. Enfin, c'est comment justement ce travail se forge. Parce que vous n'avez pas forcément les mêmes manières. Enfin, si les mêmes manières de travailler, si, mais les mêmes angles d'attaque, les mêmes problématiques. Le dialogue entre les périodes, qui je crois est considéré comme une question extrêmement importante pour cette revue. Alors, il faut aussi dire que si on est très honnête, quand on avance vers les périodes les plus contemporaines et les périodes qui concernent le numérique, on recourt beaucoup plus aux spécialistes de sciences de l'information. Mmh. Hein, et que je crois que c'est un peu aussi un appel aux historiens à s'intéresser justement à ce qui se passe sur la toile comme source. Hein. Donc, je crois que à l'heure actuelle, il y a des possibilités, par exemple, d'archivage du web, dont les historiens doivent s'emparer. Absolument. Oui, mais on voit bien combien ce qui s'est passé avec la télévision comme source, et vous connaissez ça très bien, Evelyne Cohen, dans les années 80-90, une source que, et les images en général que les historiens maîtrisaient mal, eh bien, ils se retrouvent avec un questionnement à peu près semblable face à cet archivage numérique, ne sachant pas très bien ce qu'on fait d'un site internet, ce qu'on fait des mouvements sur ce site internet, des différentes versions qui sont évidemment réactualisées quasiment chaque jour, voire plusieurs fois par jour, par exemple. Donc, quelle est la source? Comment la prendre? C'est une vraie question pour l'historien, oui, que peut-être se pose moins, parce que c'est leur formation, les gens d'Infocom, par exemple. Voilà. Alors, donc, effectivement, ils se déplacent beaucoup plus rapidement sur ces nouveaux champs, hein, on peut dire. La question des supports, hein, mais qui tout de même est aussi une question pour les historiens. Et je crois qu'on se doit de citer une historienne de l'Internet, qui est Valérie Schaeffer, qui fait partie de la revue Le Temps des Médias et qui contribue à structurer ce champ. Oui, Anne-Claude Ambrosendu, même chose. Alors, déjà, je voulais juste dire que les historiens des médias sont des historiens. Il n'y a pas d'opposition. Ils ont reçu la formation. Oui, mais les sciences de l'information, c'est un peu différent. Ah, mais oui, mais c'est pas des historiens. C'est pas des historiens. Mais vous avez des sciences de l'information. Oui, tout à fait. Des médias. Mais je me suis mal exprimé tout à l'heure. Je pense que les historiens qui travaillent sur les médias très, très, très contemporains sont un peu parfois désarçonnés par, au fond, la masse considérable, l'océan des sources qui s'offre à eux. Mais que, à part ça, il me semble qu'ils peuvent appliquer les bonnes vieilles recettes de l'école méthodique, hein, la pluralité des sources et la démarche critique, ça marche très bien quand même. Merci à tous les trois, à toutes les trois. Donc, merci à vous, Marion Bretéché, donc, qui avait coordonné avec Evelyne Cohen ce numéro du Temps des Médias, et Anne-Claude Ambroise-Rendu, qui a participé, donc, en parlant du cas particulier de la catastrophe de Tchernobyl. Ce numéro s'intitule La fausse information de la Gazette à Twitter. Il est publié aux éditions Nouveau Monde, Le Temps des Médias, revue d'histoire, c'est le numéro 30 qui vient tout juste de paraître, donc daté du printemps 2018. Merci à toutes les trois. Et merci à vous, Séverine Attard. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Nous avions avec nous aujourd'hui en studio à la technique Audrey Guélil et en réalisation Thomas Duterre. Demain et dans notre émission d'actualité du vendredi, nous parlerons de la guerre et en particulier de la guerre de 14 avec l'historien John Horn et la revue L'Histoire dont on est partenaire pour notre rubrique La Fabrique Mondiale de l'Histoire. Mais nous parlerons également de la guerre à la préhistoire avec la publication du dernier livre de Anne Loerf qui revient justement sur le moment où on invente la guerre à la préhistoire.